Bosco, d'où Imane. Bonjour à vous tous, nous sommes le 28 juin 2019. Voici le journal parlé en français. En seul grand titre pour cette édition spéciale que nous consacrons à une évaluation de la mise en œuvre de la politique de subvention à 100% des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les accouchements dans les structures de soins publics et assimilés, tel que le précise le décret du 16 juin 2006. Des reportages dans certains hôpitaux, des analyses, notamment celles d'une organisation de la société civile, ainsi que celles de la commission chargée des questions sociales à l'Assemblée nationale. Et nous aurons également des éclairages du porte-parole du ministère de la Santé. Nous terminerons cette rubrique par un commentaire de la rédaction. Voilà pour le seul grand titre. Bonjour. La politique de gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes qui accouchent dans les structures de santé publique a été mise en place en 2006 par décret présidentiel. La mesure accorde une gratuité totale pour ces deux catégories de personnes et pour les personnes qui sont affiliées aux mutualités pour les soins de santé. L'État supporte la totalité qui est à la charge de l'affilié ou son ayant droit. Des parents ayant des enfants de moins de 5 ans de la commune Rougombo en province de Cibitoke saluent la politique du gouvernement de la gratuité des soins de santé à cette catégorie d'enfants. Mais elle déplore que certains médicaments ne sont pas disponibles sur des hôpitaux et centres de santé. Et c'est notamment les spécialités, comme le reconnaît le médecin directeur de l'hôpital de Cibitoke. C'est un reportage de Vestine Butoyi qui s'est rendu sur le lieu. Celles-ci sont certaines des mères des enfants de moins de 5 ans rencontrées à l'hôpital du district sanitaire de Cibitoke, situé à 200 mètres du siège de la province, exaltant la politique du gouvernement de la gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans. Une d'entre elles indique qu'elle a été bien accueillie par des prestataires des soins de santé quand elle se rend à l'hôpital pour faire soigner son enfant de moins de 5 ans. Nous nous rendons ici à l'hôpital de Cibitoke et nous sommes bien accueillis, même sans argent. Nos enfants sont soignés gratuitement. Une autre maman affirme qu'il n'a jamais payé les services de soins de santé administrés à son enfant. Elle explique que la seule condition est de se munir d'un extrait d'acte de naissance de ce dernier. Ce qui est interdit, c'est de venir à l'hôpital sans extrait d'acte de naissance. Donc sans ce papier, tu peux avoir des problèmes. Mais si on est en ordre, on est bien accueillis. Cependant, ses parents déplorent qu'il puisse arriver que certains médicaments prescrits ne soient pas disponibles dans la pharmacie de l'hôpital. Il y a des médicaments qu'on ne peut pas trouver dans la pharmacie interne et on est obligé de les acheter dans des pharmacies externes quand on en a les moyens. Au cas contraire, on ne peut pas les avoir. Jean-Claude Mogisha, médecin directeur de l'hôpital et du district sanitaire de Cibitoke, fait savoir que des médicaments difficiles à trouver sont des spécialités, mais qu'ils font tout pour satisfaire les besoins de leurs patients. Néanmoins, il ajoute que dans les jours à venir, l'audit hôpital deviendra étroit à cause des enfants qui s'y rendent régulièrement. C'est surtout le manque d'espace parce qu'en 2016, on avait ce problème de manque d'espace et on avait fait une extension du service de pédiatrie et le problème avait été résolu. Mais actuellement, au cours de cette année, 2019, il y a encore un problème d'espace. Docteur Jean-Claude Mogisha signale qu'à cet hôpital, en 2018, les enfants représentaient plus de 58% des patients. Merci Vestine. Et l'hôpital Prince Régent Charles ne rencontre aucun problème dans la mise en œuvre du programme de gratuité des soins aux enfants de 5 ans et des femmes qui accouchent, selon le médecin directeur de cet hôpital, Dr Isne Roseline Ndouimana. Les maires rencontrés sur place témoignent qu'elles bénéficient de mon service. C'est un reportage d'Isne Bariko. Christine Hakidimana, nous l'avons rencontrée ce vendredi à l'hôpital Prince Régent Charles où elle venait de mettre au monde son cinquième enfant. Parmi eux, quatre sont nés sur le programme gouvernemental de gratuité des soins aux femmes qui accouchent et aux enfants de moins de 5 ans. Elle se dit satisfaite de la façon dont elle a été accueillie et du suivi dont elle a bénéficié. Nous sommes bien accueillis et bien servis. Que tu mettes au monde à 4 heures du matin ou minuit, tu es assisté. Ce que je peux dire, c'est qu'à l'hôpital, on te suit de près et on évite des éventuelles complications. Je lance l'appel à d'autres femmes de se rendre toujours à l'hôpital en cas de grossesse. De son côté, Inès Roseline Douimana, médecin directeur de l'hôpital Prince Régent Charles, trouve que la mesure de gratuité des soins à cette catégorie de la population est salutaire car elle permet d'améliorer la santé de la population. Le programme de gratuité des soins chez les femmes enceintes et chez les enfants de moins de 5 ans, il est bénéfique pour nous, les prestataires et pour les bénéficiaires des prestations parce qu'il rentre dans les ménages après avoir eu les prestations voulues. La mise en œuvre du dit projet ne rencontre aucun défi, toujours selon le directeur de l'hôpital Prince Régent Charles, qui fait savoir que les services rendus dans le cadre du programme sont payés à temps et que même les affiliés des sociétés d'assurance bénéficient des avantages qu'offre la mesure gouvernementale. Il n'y a pas de défi dans l'exécution de ce programme parce que les prestations que nous offrons sont payées à temps par les programmes concernés. Qu'ils soient assurés ou pas, tout le monde est accueillis et les assurances vont payer leur part et le reste va être payé par le programme de gratuité des soins. Docteur Inès Roseline Ndouimana appelle les femmes enceintes de consulter à temps et faire soigner leurs enfants dans les structures des soins. On reste en mairie de Bujumbura, la clinique Van Norman, dit Hôpital Hope, située dans la zone Gangara au nord de Bujumbura, est un établissement privé, mais qui accompagne le gouvernement dans cette politique de gratuité des soins au grand plaisir des malades qui, au début, étaient incapables de payer les factures. Les précisions de Moïse Misago. Nous sommes à la clinique Van Norman, dit Hôpital Hope, dans la pédiatrie. Ceux qui sont exprimés à nos micros se disent satisfaits des soins de santé gratuits pour les mères qui accouchent et leurs enfants de moins de 5 ans qui les sont administrés dans une structure sanitaire privée. Celle-ci, qui vient de passer 5 jours avec son enfant malade, dit que cette politique aide les familles démunies. Je suis venue avec mon enfant qui était malade. Il a été traité et maintenant ça va. Nous apprécions bien ce programme de la gratuité des soins de santé des enfants de moins de 5 ans et les mères qui accouchent. Certains d'entre nous n'ont pas de moyens. Ils nous aident beaucoup. Celle-ci qui a accouché par césarienne 3 fois apprécie aussi d'avoir été traitée sans toutefois payer. Je suis satisfaite. Ils m'ont accueillie sans rien payer. Tous les soins médicaux m'ont été donnés gratuitement. Le manque de moyens pour certains malades figure parmi les raisons qui ont poussé cette clinique à accompagner cette politique de la gratuité des soins de santé pour cette catégorie de gens. Ce sont les précisions du docteur Aimé Arder Mbonima, directeur ad intérim de cette clinique Van Norman. Il y avait beaucoup plus de gens qui viennent ici à l'hôpital dans un état critique en tant que personnel en utilisant la déontologie et la morale. On les soigne. Après avoir fait les soins, on les dit de payer les factures. Ils sont incapables de payer ces factures. Alors que si on avait appliqué la politique du gouvernement pour les soins de moins de 5 ans et pour les femmes enceintes, ils devraient bénéficier de cette gratuité de soins. C'est dans cette optique aussi qu'on avait pensé beaucoup plus à appliquer la politique du gouvernement. Les médecins de la clinique Van Norman indiquent que les femmes qui accouchent à cette structure oscillent autour de 500 par mois. Merci Moïse. Cette politique de gratuité des services de maternité a changé la mentalité des maris qui aujourd'hui accompagnent leurs épouses, même au moment de l'accouchement, car ne craignant plus pour les factures. C'est l'avis de certains habitants de Muyinga où le médecin provincial se dit plutôt satisfait du fait que l'accouchement assisté en milieu de soins devient une habitude chez toutes les femmes. Dieudonné Zeyman. Quand vient le moment de l'accouchement, la femme est psychologiquement proche de l'époux qui ne craint plus pour les dépenses. Une mère qui a déjà donné 3 naissances par césarienne témoigne. Elle signale qu'avant la mesure de gratuité, les hommes avaient peur des dépenses énormes. Parfois, ils contraignaient leurs femmes à vite quitter les structures de soins en dépit des risques de complications posténatales. Certains couples préféraient l'accouchement à la maison dans le passé. Par endroits, des propriétés foncières ont été vendues. Un homme raconte les faits d'il y a 15 ans. Il précise qu'en 2004, un problème particulier a secoué son ménage. Sa femme a accouché par ses aliens. Il a dû vendre un lopin de terre pour s'en sortir. Docteur Eric Nkunzimana, responsable de la province sanitaire de Muyinga, parle de succès du programme de gratuité. Les femmes accouchent aujourd'hui en milieu de soins. La pratique de consultation prénatale s'est développée. N'y a-t-il pas de relation entre gratuité et les naissances nombreuses? Son médecin précise que les couples accèdent plus tôt aux services de counseling en planification familiale, d'autant plus qu'ils ont plus d'occasions de rencontrer les prestataires de soins de Muyinga, Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro. Merci Dieudonné. Le ministère de la Santé publique apprécie positivement la mise en application de cette mesure instaurant la gratuité des soins de santé aux enfants d'au moins de 5 ans et aux femmes qui accouchent. Dr Jean Bosco Giroukouichaka, porte-parole de ce ministère, indique que cette mesure a permis l'amélioration de l'utilisation des services de santé. Suivez Dr Jean Bosco Giroukouichaka. Nous évaluons très positivement cette politique qui a amené beaucoup de résultats très nets. Là, je citerai entre autres l'amélioration de l'utilisation des services de santé. En 2006, on avait un taux de 36% de la population de cette catégorie qui se rendent dans les structures de soins, alors qu'aujourd'hui, en 2019, nous avons un taux de 62%. Nous avons aussi un taux d'accouchement dans les établissements de soins qui a sensiblement augmenté de 22% à 84% de 2006 à 2019 et un taux de mortalité maternelle infantile qui a sensiblement baissé. Docteur Jean Bosco Giroukouichaka, porte-parole du ministère de la Santé publique, qui sera l'invité de ce journal. Le cadre d'expression des malades du Burundi, Semabo, apprécie favorablement la gratuité des soins de santé pour les mères qui accouchent et les enfants de moins de 5 ans. Sylvain Habanabakizé, porte-parole de ce cadre, dit que cette politique du gouvernement a considérablement diminué les cas de décès des enfants de cette catégorie. Il demande cependant que les médicaments prescrits aux mères qui viennent de mettre au monde soient aussi gratuits. On l'écoute. Le cadre d'expression des malades au Burundi, c'est ma bonne sigle, apprécie de sa juste valeur la politique du gouvernement qui vise à la gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans. Et dans les années passées, avant à cette politique de la gratuité des soins, il y avait une très grande mortalité des enfants de moins de 5 ans parce que les parents de ces enfants craignaient de se rendre dans les hôpitaux pour faute de moyens. Mais depuis que le gouvernement a entrepris cette politique de gratuité des soins, c'est tout à fait hétérogène que la mortalité de ces enfants de moins de 5 ans a considérablement diminué. C'est pour cette raison que le CEMABU salue de sa juste valeur la gratuité des soins, la politique du gouvernement. Mais il y a quand même d'autres défis que nous demandons au ministère ayant la santé de la population dans ses attributions de pousser de loin, de songer pour les femmes qui viennent d'accoucher. Il y a des médicaments et d'autres consommables médicaux que les médecins prescrivent à la fois à la maman qui vient d'accoucher, même au nouveau-né. Le gouvernement ou bien le ministère de la Santé publique ne délivre pas ces médicaments et ces consommables médicaux. Les parents sont obligés d'aller les acheter dans les pharmacies à l'extérieur des hôpitaux publics. Nous demandons alors le ministère ayant la santé de la population dans ses attributions d'aider et de faire son mieux possible pour que mettre au monde soit à 100% gratuit. Sylvain Habanabakizé, porte-parole du cadre d'expression des malades du Burundi, CEMABU. De son côté, la commission permanente chargée des affaires sociales de l'Assemblée nationale salue la gratuité des soins de santé à ces catégories de personnes. Le député Adolphe Banyikwa, président de cette commission, note toutefois des plaintes de femmes obligées de se payer les médicaments ainsi que le retard de paiement des hôpitaux par l'État. Il demande que le budget alloué au ministère de la Santé soit revu à la hausse. La décision de gratuité, c'est une bonne décision parce que nous assistons que toutes les femmes qui accouchent se dirigent directement au niveau des hôpitaux. C'est une chose qui a une avancée par rapport au passé parce que ça réduit aussi le taux de mortalité et ça améliore la santé des enfants qui sont nés et la santé aussi des femmes qui accouchent. Seulement, il y a des problèmes qui se font entendre ici et là que les médicaments, c'est une question. Quand les femmes sont en train d'accoucher, paye 100% les médicaments. C'est une question qu'on peut suivre de près et voir pourquoi cette question persiste. L'autre défi, c'est que l'État a des problèmes pour payer ses soins de gratuité, mais je pense que c'est peut-être au niveau de la lacune qui se trouve au niveau du budget. La politique est appréciée par tout le monde. En tant qu'élu du peuple, qu'est-ce que vous faites pour une bonne gestion de cette politique? Bon, vous savez, les institutions sont séparées et chaque institution a son rôle. Nous, comme le Parlement, nous avons le rôle de contrôler les activités du gouvernement et le gouvernement ne fait qu'appliquer les décisions prises. C'est en suivant que nous avons découvert qu'il y a des problèmes au niveau des paiements, au niveau des médicaments et que les gens se lamentent qu'ils paient la totalité des soins de santé. Quelle est votre suggestion pour une bonne marche de cette mesure? Bon, ma suggestion est simple. Il faudra améliorer la ligne budgétaire attribuée au ministère de la Santé publique. À la source, interview. Place maintenant à l'invité du jour, qui est Dr Jean Bosco Guirou-Kouichaka, qui nous donne des éclairages sur la mise en œuvre de cette politique de subvention à 100% des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les accouchements dans les structures de soins publics et les structures assimilées. Il est au micro de Francine Ndeokougaïo. Docteur Jean Bosco Guirou-Kouichaka, vous êtes le porte-parole du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Ça fait 13 ans que le gouvernement du Burundi a mis en place la politique de soigner gratuitement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes au niveau du ministère. Comment évaluez-vous cette politique? Nous évaluons très positivement cette politique qui a amené beaucoup de résultats très nets. Là, je citerai entre autres l'amélioration de l'utilisation des services de santé. En 2006, on avait un taux de 36% de la population de cette catégorie qui se rendent dans les structures de soins, alors qu'aujourd'hui, en 2019, nous avons un taux de 62%. Nous avons aussi un taux d'accouchement dans les établissements de soins qui a sensiblement augmenté de 22% à 84% de 2006 à 2019 et un taux de mortalité maternelle infantile qui a sensiblement baissé, puisque avant on constatait que certains ne se rendaient pas dans les structures de soins par manque de moyens. Je ne pourrais pas oublier la qualité de soins aussi qui a nettement amélioré, mais aussi les investissements en équipement et en infrastructure. Je ne dirais pas que tout a été facile, mais on n'a pas eu de blocage à proprement dit. Au début, il devrait y avoir tout un scénario de préparatif pour que la mesure soit réellement effective. En plus, il fallait aussi mobiliser les fonds et nous avons constaté aussi par après que les coûts des soins, mais aussi des services, n'étaient pas donc proportionnés avec les années, ce qui occasionnait un manque à gagner pour les formations sanitaires, pour certains soins et pour certains services. Et quand vous parlez de gratuité des soins, ça réfère à quel service précisément? Cette politique concerne d'abord les enfants de moins de 5 ans. Ça concerne toutes les consultations externes, que tous les médicaments essentiels, mais aussi les examens complémentaires, sans oublier les hospitalisations. Et pour les femmes enceintes, ce sont les soins en pré- et post-partum, mais aussi pendant l'accouchement, mais aussi les pathologies liées à la grossesse. Avant, on disait qu'avec cette politique du gouvernement burundais, les hôpitaux n'arrivaient pas à survivre suite aux factures impayées. Et quelle est la situation aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Les hôpitaux sont régulièrement payés, donc il n'y a aucune plainte de ce genre. Il y a autre chose dont on parle. Parle référence contre référence, que doivent comprendre les bénéficiaires aujourd'hui? Le concerné devrait d'abord se rendre au niveau du centre de santé qui est proche. Et si le centre de santé est à mesure de traiter le patient, là il n'y a pas de problème. Si le centre de santé n'est pas à mesure, c'est le centre de santé qui le réfère. Mais pour cette politique, pour permettre à tout le monde de pouvoir se soigner, on n'a pas exigé de respecter et donc ce circuit de référence. Monsieur le porte-parole du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Dans la suite de ce journal, je l'avais annoncé dans les titres, nous bouclons cette rubrique santé qui a constitué notre édition spéciale par le commentaire de la rédaction sur ce sujet et ce commentaire est lu par Elie Nibel Nibikira. La santé est indispensable. Cependant, l'offre des soins pour les Burundais n'a pas toujours été aussi facile. Les causes sont variées. D'un côté, c'est le manque ou insuffisance de moyens pour fréquenter les structures sanitaires, tandis que de l'autre côté, il s'agit de l'ignorance et se font soigner en médecine traditionnelle, ce qui jadis provoquait le taux élevé de mortalité pour les petits-enfants et les femmes enceintes. La mesure du gouvernement de garantir la gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes en 2006 a constitué un ouf de soulagement pour pas mal de familles, surtout celles qui ont des moyens financiers limités. Toutefois, tout n'a pas toujours été rose. Certains élus du peuple affirment que des cas de femmes qui ne se rendent pas à l'hôpital lors de l'accouchement existent encore, mais également des enfants qui ne mettent même pas le pied à l'hôpital en cas de maladie. Ces représentants du peuple évoquent qu'outre le recours aux pratiques superstitieuses, il y en a ceux qui croient encore en cellules de prière pour faire chasser leur maladie. Des irrégularités ne s'observent pas seulement au niveau des bénéficiaires de cette mesure, puisqu'elle est chargée de l'appliquer. Ici, l'on parle de structures sanitaires publiques ou privées, ne sont pas écartées. Certaines sont débordées par les malades, et d'autres dont les responsables regrettent le retard observé dans leur paiement par le gouvernement. Tandis que les concernés par cette mesure, demandeurs de services et des hôpitaux, demandeurs de services à ces hôpitaux, se heurtent à un accueil qui n'est pas fameux, dont l'achat de médicaments prescrits ailleurs. 13 ans depuis que cette mesure est appliquée, d'aucuns pourraient se demander si elle a déjà atteint sa mission. La mesure est certes salutaire pour certains, mais des lacunes ne manquent pas pour d'autres qui dénoncent la manière dont elle est appliquée. La mesure du gouvernement en soi est louable, mais visiblement, elle a encore besoin de mesures d'accompagnement. L'État devrait poursuivre ses projets d'accroître le nombre de structures sanitaires, des équipements et du personnel. Le même gouvernement devrait suivre de près le comportement de certains médecins devant ces catégories de personnes dont les soins sont offerts gratuitement. Il devrait en outre revoir à la hausse le budget alloué à ce projet et approcher ses partenaires financiers s'il s'avère nécessaire. Tout le monde devrait se sentir concerné pour une bonne marche de cette politique, surtout pour corriger dans les meilleurs délais les erreurs du passé, car se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite, a dit l'Américain Harry Ford. Merci Elie Nibel Nibigira. Et pour boucler ce journal, la Commission électorale nationale indépendante CENI a publié ce vendredi le calendrier électoral de 2020. Pierre Claver-Cazzi, c'est président de la CENI, a annoncé que 3 scrutins vont se dérouler en un seul jour, comme le stipule le code électoral du 20 mai 2019. L'élection présidentielle, celle des députés et celle des conseillers communaux se feront en un seul jour et ce sera en date du 20 mai 2020. Certains responsables des partis politiques qui avaient répondu à l'invitation de la CENI se disent satisfaits du fait que ce calendrier sera temps, même s'il y a d'autres participants, surtout ceux de la société civile, qui déplorent qu'ils n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer sur ce calendrier. Vous aurez d'autres précisions dans notre édition de la soirée. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le réaliser. Un bon après-midi.